tête parfois, s'enfoncer sous le pull de Janissette. J'ai vu des nez d'ivrogne parfois, chercher dans le corsage de Janissette. Et chaque fois, elle a rougi, murmuré non, non, non, merci. En souriant, elle leur a dit juste arrêtez, je vous en prie, Janissette. Au bar du rendez-vous des sportifs, entre les mégots et les cacahuètes, elle frotte les verres d'apéritif et les clients lui parlent du baromètre. Mais moi je sais qu'elle rêve de mieux que de discuter du temps pluvieux. Ça lui fait des journées qui traînent et du souci et des migraines. Janissette. Quand je me sens dans un grand jour, je prends un bouquet et je vais lui faire la cour. Je me pose au comptoir juste en face d'elle et pendant qu'elle fait la vaisselle, on parle de notre voyage à travers la planète, de forêts vierges et de kilomètres. On se traverse tous les océans, on dit qu'en avion on mettra moins de temps. On se dessine un itinéraire, comme ça on pourra tout voir et tout faire. On atterrit dans des coins hostiles, on parle anglais pour entretenir notre style. Hey. Et vous verriez les clients, la tête qu'ils font. On s'en balance, on dit qu'on tourne pas rond. Et vous verriez les mille et une paillettes qui brillent dans les yeux de ma Janissette.